Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour la rentrée des podcasts, début de la troisième saison de nos podcasts. On va commencer cette semaine avec le mag, numéro 21 du magazine, avec quelques nouvelles rubriques et puis toutes les news plus ou moins récentes à la fois de cet été mais aussi de cette semaine concernant les comics et leur adaptation ciné et télé. Je suis Mathieu et vous écoutez le mag. Avec moi ce soir, Arnaud, Salut. à peine remis de sa victoire dans les Infinity Wars, et Clément. Salut. Alors, ce mag, je le disais, nouvelle formule, quelques rubriques se sont ajoutées aux traditionnelles news pour coller justement un petit peu plus au nom, puisque c'est un magazine, donc on ne va pas faire que des news à partir de maintenant, mais on va quand même commencer par de l'actu, et on va commencer, comme chaque semaine désormais, par l'actu télé, qui est peut-être celle qui a été la plus riche récemment. Et c'est toi, Arnaud, qui va ouvrir le bal de cette saison avec Preacher sur AMC. Oui, qui est en production depuis quelques semaines. On n'avait plus de nouvelles après le tournage du pilote. Et on a appris que la chaîne AMC, donc qui diffuse déjà The Walking Dead, a commandé une première saison de 10 épisodes pour la série Preacher. Donc Preacher qui est produit par Seth Rogen, quand même, et qui a au casting Dominique Cooper, qu'on a vu dans Agent Carter. Ruth Negga, qui est la fille, comment s'appelle? La fille aux robes de fleurs dans la saison 1 de Agents of Shield. Reina. Reina, voilà. C'est son surnom, la Non. fille aux robes de fleurs. Oui, c'est ça. Et Joseph Gilfin, qu'on a vu dans Misfits. Et donc, Preacher, ça raconte l'histoire de Jesse Custer, un révérend d'une petite ville du Texas, donc joué par Dominique Cooper, qui est possédé par une créature qui est le fruit d'un ange et d'un démon. Et donc, à la suite de ça, il développe des pouvoirs, le pouvoir de se faire obéir par quiconque. Et donc, il s'associe à son ex-petite amie, Tulip, jouée par la robe à fleurs de Agents of Shield, comme par hasard, qui est devenue une tueuse à gages. Et il s'associe également à Cassidy, un vampire irlandais. Et les trois partent à la recherche de dures personnes. Et donc, cette première saison de 10 épisodes est, selon Seth Rogen, prévue pour le mois de mai sur AMC. Voilà, Seth Rogen qui a aussi dévoilé au même par le pas même même coup un poster, un premier Oui. poster qui n'en dit pas grand-chose, hein, qui reprend quelque chose d'assez emblématique pour ceux qui connaissent les comics, c'est les covers des comics, hein, puisqu'on a le fameux clocher. Voilà. Qui est retourné, il me semble. Oui, c'est ça. Le diable, tout ça. Tout ça, tout ça. On continue avec l'autre côté et on va passer chez Marvel avec Luke Cage, donc qui est actuellement en tournage à New York. Et on a appris récemment que Frank Whaley, qu'on a pu voir dans Pulp Fiction, et puis qui après a une carrière qui s'est cassée la gueule, s'est retrouvé dans Blacklist et Gotham, il sera le détective Scarf, donc dans la série Luke Cage pour l'année prochaine. Et puis puisqu'on est sur Netflix, je vais poursuivre avec Jessica Jones. On a eu droit à un premier teaser cette semaine, premier teaser vidéo, bon, on n'a pas Plutôt trop classe. très classe, très Ouais. esthétique, très graphique, voilà, il n'y a pas vraiment de scène, voilà, c'est pas une bande-annonce habituelle, hein, c'est quelque chose d'assez artistique, on va dire, mais qui, voilà, qui donne plutôt envie, les petites phrases qu'on entend, les mots qu'on voit, etc. Voilà, ça nous attise bien, je trouve. Ouais. C'est tu sens déjà rien qu'avec le trailer, voilà, qui a une patte, qui a une esthétique. Donc c'est, je m'attendais pas à un trailer comme ça, et moi c'est vrai que du coup je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner. Et Alors puis c'est tu sens une série bien plus sombre. Déjà, ça. Daredevil était déjà pas mal. Mais en plus, tu sens qu'ils vont sans doute pousser les choses avec Jessica Jones. Ouais, j'ai apprécié la toute fin de ce petit teaser où on voit la Jessica Jones juste sa Ouais. silhouette dans une rue, comme on avait vu pour Daredevil avant la série, en fait. Et le même easter egg, on voit la tour Avengers. Ouais. Oui. Donc bah, plutôt sympa. Et puis en même temps que ce petit teaser, c'était pas un teaser juste pour nous donner l'eau à la bouche, c'était un teaser pour nous annoncer enfin la date officielle. Et c'est bon, ce sera le 20 novembre sur Netflix. Donc si vous avez des RTT, c'est maintenant. Voilà, bon, on y est, ça y est, on y est proche, hein, dans 2 mois. Dans 2 mois, on découvrira cette série. Alors moins de hype que pour Daredevil pour moi, mais. Oui, pareil. Je pense pas que Je sais ce soit pas, mais quand même. j'attends. Je J'aime pense pas beaucoup que le ce soit un personnage. watching, mais... Je suis en train de lire, comme je suis en train de lire Alias, sa série principale. Je commence à bien découvrir le personnage et il y a pas mal de potentiel. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant quand c'est dans la série et tout ça. Il y a des choses vraiment pas mal. Donc à voir. On en parlera évidemment au mois de novembre. Clément, tu as 2 choses à nous dire concernant les séries de la CW pour ta part. Oui, donc on a enfin eu les premières images de la saison 2 de The Flash. Donc le trailer s'appelle Otherworld, avec notamment un premier aperçu de Jay Garrick, incarné par, si je ne dis pas bêtise, Teddy Thiel. Ouais. Donc Et tu ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est une bonne résolution pour toi? bah, c'est un trailer, on voit pas énormément de choses, mais voilà, quand on va voir le, ils vont vraiment visiblement, comment dire, Ah bah ils vont pousser le concept du exploiter. multivers. C'est ça, ils vont exploiter le concept du multivers, donc ça peut donner quelque chose vraiment de très sympa. On voit vraiment très brièvement Jay Garrick, mais de ce que j'ai pu, de ce qu'on peut voir, le costume a pas l'air trop dégueulasse. Je me dis qu'on va peut-être pas avoir un truc. J'avais un peu peur quand même parce que c'est vrai que le costume de Jerry Garrick dans les comics, c'est pas. Voilà quoi, c'est Les pas. années 40, C'est c'est les années mort. 40 avec un casque. Et c'est vrai que là, de l'image, la première image qu'on a pu voir, ils ont l'air d'avoir modernisé le costume. Donc. Mais il a quand même son bol sur la tête, ça C'est sache. ça. Ouais. Mais C'est son bon, symbole. Oui, c'est ça. hormis ça. Mais heureusement qu'il l'a, il n'y a pas de souci, heureusement. Hormis ça, le trailer est plutôt. Annonce plutôt du bon quoi. Alors, il y a 2 versions de ce trailer qui sont sorties. Il y a une version étendue qui est apparue début de week-end, je crois. Ouais, c'est la version australienne. Voilà, de 1 minute 26, où là on en voit un petit peu plus et où on entend surtout un petit peu plus, notamment certains noms comme le nom de Zoom qui sont prononcés. Oh. Donc, ouais, c'est. C'est prometteur. Et en le regardant, ce fameux trailer étendu, enfin, ils ont quand même mis la barre assez haut au niveau visuel. Enfin, puis même Je n'ai pas vu. la conception de cette bande-annonce, etc. Enfin, on pourrait presque avoir un trailer de film là. C'est ça. Ouais, Ils non, mais mettent moi, vraiment le paquet. j'ai pas vu le trailer étendu. Il faudrait que je regarde, mais rien que l'autre trailer. Voilà, il y a quelque chose. Tu vois qu'ils savent où ils vont, quoi. Moi, je trouve ça plutôt prometteur, en espérant que ça garde autant de qualité que la saison 1. Et alors, ce qu'on a vu de Legends of Tomorrow, est-ce que c'est prometteur? Bah, on a eu un premier aperçu pour Hawkman et Hawkgirl, vu que apparemment ils tournent le pilote, c'est ça, en ce moment, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ça m'a étonné parce que du coup je me suis posé la question, les premières images qu'il y avait filtrées, c'était pourquoi? Enfin, j'avais pas trop compris. Mais sinon, moi pour les costumes de Hawkman et Hawkgirl, j'ai un peu de mal. Je les trouve assez type. Hawkgirl, ça passe, par contre Hawkman, j'ai du mal, il n'est pas assez. Bon, pour Pas moi, assez ils sont nice. assez sobres et Bon, ça. Ouais. Ça reste quand même, ça reste pas mal. Ça passe. On Ça n'est pas dans va. Deagle, tu vois. On n'est pas du côté de Deagle, Ouais, oui, c'est là. ça. Oh mon Non, Dieu. si on part par rapport à Deagle, oui, les costumes sont excellents. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est un peu. Après, c'est vrai que déjà, de base, ça doit pas être évident d'adapter un tel costume Non, c'est sûr. à la télé. Mais non, globalement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais globalement, les costumes passent. Ça fait pas, disons que ça m'enlève l'image du costume de Dogman version Smallville, quoi. Oui, voilà. Et mais après, c'est un costume qui n'est forcément que partiel. Je pense qu'il y aura du CGI pour ajouter les ailes. Ouais, je Donc, pense. on n'en voit que la moitié finalement. C'est ça, mais bon. Bah ouais, après, globalement, le casque, enfin, je sais pas si c'est un casque ou un masque d'ailleurs, mais. Ça passe quoi, ça a l'air dans Ouais. l'esprit des personnages. Ah ben, on n'est pas dans la team Magneto, hein. C'est ça. C'est ça. Mon Voilà, Saint-Pierre. c'est clair. Mon Bon, Dieu. pas grand-chose hein, au niveau de la rentrée, au niveau de l'actu télé, c'est plutôt calme. On avait pas mal de choses cet été, mais là, voilà, On a eu le trailer de Arrow aussi, je crois. Non? Oui, c'était il y a un peu plus Oui. d'une semaine, là où on a justement vu Magneto. Bon, c'est. C'est mieux de pas en parler de ce Ouais, trailer. voilà, c'est pour ça, c'est même pas dans le conducteur, et je pense que voilà. Ça va te le Non, dire. honnêtement, j'ai un peu peur quand même pour cette scène qui a déjà classé en 3 n'était pas brillante, mais là. Bah, en fait, on a eu un crossover entre Arrow et Despatowdar au début, avec Oliver et Felicity dans la banlieue, C'est avec ça. leur petite vie tranquille, sympa. Ça fait un peu peur. Ouais, ça fait peur. Ma foi, on verra ça prochainement dans nos émissions sur nos écrans, où on vous débriefera tout ça. Je suis pas pressé. Moi non plus. Hormis pour Flash. Là, Avant de c'est. passer, oui, bah bien sûr. Avant de passer à l'actu comics VF, on va introduire une des nouvelles rubriques de cette saison. C'est le petit trivia de la semaine, le fun fact, et je suis allé vous dégoter quelque chose qui date de 1984, qui m'a pas mal intéressé. Il y a un an, rappelez-vous, on faisait la rentrée des podcasts avec un Marvel versus DC. Ouais. Et du coup, cette histoire est un peu en lien avec ça. C'est Bill Sarnoff qui était le patron de DC Comics en 1984, qui a à l'époque approché, contacté Jim Shooter, qui était l'editor-in-chief de Marvel. Et il l'a contacté pour lui proposer une licence pour publier l'univers DC chez Marvel. Quoi? Quoi? C'était en 1984 et Sarnoff en fait avait conclu, était arrivé au raisonnement que Marvel, qui était à l'époque vraiment très haut dans les ventes et dominait le marché, bah, s'il réussissait autant, c'est parce que c'était peut-être les meilleurs pour faire des comics qui fonctionnent. Et que du coup, bah, Mais peut-être qu'en leur confiant Batman, Superman et Justice League, ils feraient des comics avec ces personnages-là qui fonctionnent. Donc du coup, il a proposé à Marvel de publier les comics de l'univers DC. non, oh le sacrilège. Et du coup, celui qui était le boss de Marvel à l'époque, Jim Galton, avec Jim Shooter, a décliné l'offre de Sarnoff en disant que si les comics de chez DC ne se vendaient pas, c'était peut-être parce que les personnages n'étaient pas bons. Oh. Et qu'ils n'étaient pas sûrs, eux, de pouvoir faire la même chose. Donc voilà, on a échappé quand même en Waouh, 1984 à c'est une vente de dingue. licence de DC à Marvel. Ça aurait été. Mais On viens, aurait on aurait eu pu. Batman dans les Avengers. Peut-être. What Oh la the vache. fuck, tu vois. Ou des crossovers plus fréquents avec la Justice League, puisque Batman serait resté dans la Justice League et Ah, ça aurait été, je pense, le toujours deux truc. univers à part, mais avec Marvel qui avait les commandes. Voilà. Ah, j'essaye d'imaginer le truc, c'est assez surréaliste quand même. Voilà. Ben, quand on sait maintenant où ils en sont tous les deux avec la guerre, Ouais, notamment au cinéma, ouais, etc., ouais. on a du mal à s'imaginer que du côté Ouais, c'est de DC, clair, en voilà. Oui, 80. parce que c'est vrai, il y a une époque où il y a eu plein de séries qui ont eu Ouais. des crossovers. Bah, c'est vrai que moi, Ouais. j'ai déjà vu, ça m'est déjà arrivé de voir dans des études d'occasion, il y avait eu des comics, genre, je sais plus, enfin, genre Batman contre Captain America ou des conneries comme Oui, ça, il y quoi. avait fréquemment des crossovers. L'ambiance était plus détendue que maintenant. Hein. Ouais, bah, Ouais. Bah c'était à maintenant il y la a les rue, grosses ouais. corporations qui sont derrière, qui Ça. poussent. T'as C'est Disney ça, il y a Warner un qui gros sont contexte. derrière, qui veulent pas. Il y a un gros contexte d'ailleurs, puis je pense que l'enjeu financier n'était pas le même non plus. Voilà, ouais. Donc voilà pour le fun fact de cette semaine. On en aura évidemment un autre la semaine prochaine. Je sais pas encore lequel. On verra, on fouillera dans des archives et dans des choses un peu insolites. On va passer maintenant à l'actu comics du côté français, de tous les comics VF. Panini a pas mal communiqué, comme toujours. Hein, Panini fait toujours des annonces sur sa page Facebook. Et Clément, toi, tu as recensé les annonces Star Wars. Ouais, donc énormément d'annonces, hein. On se demande pourquoi. Et forcément qu'ils vont essayer ils vont en profiter. Donc à partir de janvier, on aura une publication 100% Star Wars avec la mini-série Lando de Charles Soule. Donc pour ceux qui connaissent, c'est celui qui est derrière Inman, pardon. Et Alex Malib, si on doit le dire comme ça. Qui est derrière Daredevil et Empire of the Dead. Et d'autres sorties également là qui seront avant. On aura le tome 1 de Star Wars et Dark Vador en librairie le 7 octobre. la mini-série Princesse Leia de Mark Waid et Terry Dodson le 4 novembre. Le premier tome de Kanan, Ouais, pardon, Canan. ouais, Kanan, hein, le dernier Padawan et la mini-série ah, je sais pas comment on dit, ouais, j'ai du mal, Shattered Empire, donc qui fait le lien entre le retour du Jedi et le réveil de la Force pour début décembre. Et encore, tu as de la chance de n'avoir que le Shattered Empire dans la news de Ouais. Panini, parce que le titre de la série, c'est pas ça, hein, c'est Journey to Star Wars The Force Awakens, Star Wars Shattered Empire. Oh putain, le titre en Oh la vache. rallonge. Voilà. Avec deux fois Star Wars pour bien que tu comprennes que c'est du Star Wars. C'est ça. Et du coup, le premier numéro est sorti la semaine dernière. C'est un gros carton dans les ventes. Et ça va aller jusqu'en novembre. Donc Panini, dès le début du mois de décembre, va nous proposer en librairie une version française. Rapide. C'est plutôt rapide et Ouais. ils ont réussi à le faire pour tenir avant la sortie du film, donc c'est très bien. Grosso modo, là, dans toutes les sorties que Clément a annoncées, clairement, vous pouvez tout prendre, hein, parce que Star Wars chez Marvel, c'est juste ultra cool. Ah ouais? Donc allez-y, hein. Allez-y, peut-être Princesse Leia, ou voilà. Et puis Kanan, je l'ai pas continué encore, j'attends Ça vaut plutôt vraiment le coup? Le magazine Star Wars est incroyable, et enfin avec les séries Star Wars et Dark Vador, c'est vraiment deux très bonnes séries, super bien dessinées, le scénario hyper fun. Ça On m'a est à la jamais maison. tenté On est à la maison en fait. de lire Star Wars dans mon comics, mais là, c'est Ouais, vrai que non plus. Bah, là on est vraiment, ouais, je le dis souvent avec ça, on est à la maison, on retrouve nos personnages, graphiquement, enfin c'est eux quoi. C'est Harrison Ford, c'est Mark Hamill, enfin y a pas de doute ah possible. oui, bah écoute. Et du coup, même dans les dialogues, il y a des répliques qu'on pourrait croire tirer des films, tellement elle colle avec les personnages, et du coup, non, c'est vraiment une réussite, c'est vraiment très très cool. On vous en reparlera sans doute au moment de la sortie du film, des comics Star Wars de Marvel. Et puis toujours dans les annonces du côté 2016 pour Panini, une excellente nouvelle pour ceux qui ont raté l'omnibus de Spider-Man par Michelinie et McFarlane. Ce grand run va sortir dans la collection Marvel Icons. Donc on aura le tome 1 au mois de janvier. Et on aura donc les épisodes 296 à 312, ce qui nous fait pas moins de 17 épisodes dans le bouquin. Et on aura notamment dans ces numéros la première apparition de Venom. Voilà. Et puis Arnaud, tu vas nous parler d'une sympathique offre d'Urban. Oui, c'est. Alors, ils vont sortir une nouvelle série indé qui s'appelle Deadly Class, qui sort donc le 25 septembre. Et déjà, on avait le droit à la PCE en novembre dernier, Oui. au premier numéro traduit en français, Mmh. gratuitement, à la sortie de leur conférence. Et ils refont la même chose. Et remettre le couvert, tu peux le dire. C'est ça, et remettre le couvert. Ils croient vraiment à cette série. Parce que ils vont proposer ce premier numéro gratuitement dans les librairies cette semaine. Donc, Voilà. vous pourrez avoir gratuitement le premier numéro dans les librairies, tester, voir si ça vous intéresse. C'est quand Et donc, la date? Bah là, c'est en ce moment, là, tu peux y aller. le premier épisode, c'est en ce moment. Ah Et bah, c'est cette j'irai. semaine, c'est sorti cette semaine. Et le bouquin sort le 25 septembre. Voilà. Et alors, l'histoire? Je vais lire La sollicitation, ouais. la citation d'Urban. En 1987, à San Francisco, Marcus Lopez, fils d'immigrés nicaraguains, Guaya. nicaraguayen et SDF depuis plusieurs années, peine à trouver un sens à sa vie. Alors qu'il pense sérieusement mettre fin à ses jours, il fait la rencontre de Saya, une mystérieuse jeune fille qui va lui ouvrir les portes de l'Académie King's Dominion des arts létaux. Il découvre alors l'existence d'une école où l'on enseigne aux héritiers de l'élite financière à ériger le meurtre au rang d'art. Marcus a désormais un but dans la vie, il va tuer celui qu'il considère responsable de la mort de ses parents, Ronald Reagan. Voilà. Ah ouais, ça a Rien l'air que pas ça. mal. Bah du coup on l'avait eu nous à la sortie Ouais. Arnaud et puis il y avait Léa et Manon qui étaient avec nous genre là et je crois qu'il y avait aussi. Du coup bah il est sympa ce premier numéro donc allez le Ouais. découvrir en librairie. Si ça vous Et graphiquement, c'est vraiment pas mal. ouais c'est cool Ça ouais. m'avait bluffé. Si ça vous plaît, voilà, vous avez le tome 1 qui sort à la fin du mois. C'est un tome 1 de la gamine 10 d'Urban donc ça veut dire que c'est un tome 1 à 10 euros. Enfin voilà, ils peuvent pas faire mieux pour vous la défendre, cette série, donc C'est ça, allez-y. j'y crois. tester là, quoi. S'ils y croient, c'est qu'il y a sans doute une raison. Peut-être. Peut-être une raison, oui, liée à un prochain festival. La question de la semaine, maintenant, avant de passer à l'actu ciné, la question de la semaine était, pour cette fois-ci, que retenez-vous de l'été 2015 du côté des comics? Voilà, on vous proposait de faire un petit retour en arrière sur cet été durant lequel on n'était pas là et voir un petit peu de quoi vous vous rappelez. Qu'est-ce que vous retenez, si vous ne devez retenir qu'une ou deux choses de cet été du côté des comics et de leurs adaptations? Donc on va commencer, nous, par donner notre réponse et puis après... je donnerai les résultats de vos réponses sur le site. Arnaud, qu'est-ce que tu retiens de cet été? En bien ou en mal, peu importe. Alors, en mal, c'est assez facile. Fantastic Four, vraiment une catastrophe. On s'en doutait que ça allait être mauvais, mais là, ça a dépassé toutes nos espérances. En bien, pas grand-chose, en fait. À part... Je me souviens, dans les propositions que tu avais mises sur le site, il y avait quelque chose comme les bandes annonces de la Comic-Con. C'est ça, il y avait les trailers de San Diego Comic-Con, ouais. C'est ça, je pense que c'est ça que je vais prendre en positif, parce que il y avait vraiment des bons trailers, surtout ceux de Suicide Squad et Batman v Superman, bien sûr. Mm-hmm. Deux trailers vraiment phénoménaux et... vraiment, ce qui a retenu vraiment mon attention positive et la bouse des 4 fantastiques. Ouais. Le four des 4 fantastiques. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu retiens de cet été? Moi, je retiens en mal, hein, forcément, la grosse bouse des 4 fantastiques. Et alors, en bien du côté des comics, je retiendrai la fin du premier acte de December. D'accord. De l'émailleur, parce que du coup j'attendais dans... Alors, no spoil, hein, évidemment, mais... Ouais, non, mais honnêtement, le premier numéro était excellent. Enfin, la suite... Le deuxième aussi, le troisième aussi. Le quatrième, le cinquième, le sixième. Je pense que c'est l'un des meilleurs comics que j'ai lu de cette année, que je prends plaisir à lire régulièrement. Parce que voilà, l'émailleur pose son univers, un univers très riche, des rebondissements, donc honnêtement, je trouve que ce titre a une réussite totale et il faut lire ce titre rien que pour les dessins. C'est de Nguyen, ouais. Magnifique. C'est magnifique. Ou ce que je peux retenir aussi de l'été, c'est donc il y a Descender et je retiendrai le traitement de Batman par Snyder. Qui fait polémique, hein. Oui, oui. C'est vraiment polémique, on aime ou n'aime pas. Moi, honnêtement, j'ai eu du mal avec le début du nouvel arc. Mais là, je me dis, il y a des pistes intéressantes. Je commence à retrouver le Snyder que j'aime bien. Et voilà, c'est différent. Mais globalement, je commence à aimer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de refaire du Snyder. Même si je pense que c'est clairement l'un des arcs. Qui fait le plus polémique, et comme je lisais sur internet, là pour le coup, ce qui s'est passé cet été dans Batman, c'est en fait Snyder fait son Batman, c'est vraiment son Batman. Ah bah oui. Qu'on le veuille ou non, ce qu'il veut. Qu'on le veuille ou non, il fait ce qu'il veut, mais il a à défaut, voilà, il a une vision de Batman et il la pousse jusqu'au bout. Donc c'est vraiment les deux trucs qui m'a marqué, et après, de manière globale, voilà, c'est le DCU qui continue sur sa lancée, c'est plutôt une bonne surprise. Je lis certains titres, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Mais tu fais bien de parler de ça, puisque justement la question de la semaine prochaine à laquelle vous pourrez répondre dès aujourd'hui au moment où vous allez écouter ce podcast, c'est justement une question concernant Batman par Scott Snyder. Ah oh. Donc allez-y, donnez-nous votre avis sur justement... Ce que fait Scott Snyder de Batman, voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment débat, tu l'as dit à Clément, donc vous avez l'occasion dans la question de la semaine de vous exprimer là-dessus, et puis nous on reviendra évidemment dessus avec nos réponses la semaine prochaine. Pour ma part, ce que je retiens de cet été 2015, évidemment les trailers, évidemment, ouais, voilà, je retiendrai surtout la cata cinématographique, parce que je mets Fantastic Four et je mets aussi Ant-Man avec. Hein. Ah oui, exact. Donc c'est l'été ciné pourri, quoi. Ah oui, complètement. Vraiment, là. Alors, alors que l'été dernier, on avait des gardiens. Enfin bon. On avait les gardiens, on avait Captain America. Ouais, non, tu me diras. Et ce que je retiendrai du côté comics et du côté de ce que j'ai pu lire et découvrir cet été, je vais parler du DCU. Ouais. Avec Midnighter, qui me bluffe. Enfin, vraiment, voilà. Là, on a un personnage sans concession. Hyper violent, mais hyper touchant. Ah ouais, non, mais c'est ça. Qui a un vrai passé et qui a un vrai impact sur lui, etc. Enfin, et du coup. Et je me permets de te couper, mais j'avais lu une review très juste et il disait qu'en fait, c'est brillant d'ailleurs de l'auteur, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si. Mince, je me rappelle du dessinateur, c'est Akko. Ouais. Et merde. Et enfin bref, et en fait, ce qu'il disait, c'est très juste. C'est qu'en fait, le Midnighter, hein, c'est un personnage qui est homosexuel. Et en fait, il disait, en fait, on transpose l'homosexualité comme s'il traitait, en fait, l'hétérosexualité. Et ça, je trouve ça hyper ingénieux. C'est, voilà, il fait pas... en fait, c'est... Peu importe l'orientation sexuelle, Midnighter a une vie comme... Voilà, il a une vie amoureuse, il a un passé amoureux, et c'est tout à fait normal. C'est vrai que c'est des meilleures surprises... C'est Steve Orlando, évidemment, qui est au scénario. Avec Ouais, donc du coup, puis le passage de Grayson dans l'été, là, super sympa dans le titre, voilà. Et puis, dans le DCU, pour revenir, Green Arrow qui revient enfin du bon côté après la parenthèse de l'équipe de la série télé, on reprend la continuité de l'émir et c'est hyper agréable. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Prez, qui est une vraie petite pépite complètement inattendue. Enfin, si on m'avait dit un jour que je lirais ça et que en plus j'aimerais, écoutez, voilà. Il y a We Are Robin aussi, non? Le We Are Robin, Robin Son of Batman, voilà, il y a vraiment pas mal de titres. Pas dans les gros titres, c'est pas les gros titres qui sont bons, c'est vraiment les petites nouveautés, les petites choses comme ça. C'est vrai que We Are Robin, là, moi j'en suis au numéro 3, mais c'est vrai que. Comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire sur l'autre. Hermero, c'est vrai qu'il est en train de poser les choses et ça donne vraiment des choses très intéressantes, des personnages attachants. Et voilà, tu sens que ça peut avoir une incidence sur le Batverse. Et qu'est-ce que je voulais dire l'autre il y avait We Are Robin. Et oui, et Robin Son of Batman, ça montre que Gleeson, c'est. Enfin, tu vois qu'il aime le personnage et qu'il sait très bien. Ça va faire 4 ans maintenant qu'il est dessus, c'est donc oui. C'est très bien traité, c'est vraiment. C'est sympa, quoi. Il nous renvoie au tout premier arc des New 52. Donc, comme tu dis, en fait, le DCU, je pense que finalement, c'est une très bonne chose qu'il dégage les New 52 et qu'il reparte sur des bases nouvelles, sur des bases saines, parce que c'est vrai qu'on a droit à des pépites et je retrouve de l'attrait pour DC. Attention, on a aussi droit à des daubes comme Cyborg et comme. Justice League of America de Brian Hitch, c'est un accident industriel, ce truc, c'est pas possible. Ah ouais. Le mec, il a mis des années pour faire ça. Je sais pas ce qu'il a fait pendant des années. Mais... Ah ouais. Non, mais c'est forcément qu'il y a des catastrophes, mais il y a quand même de mais voilà, il y a quelques perles qu'on n'aurait pas eu dans les New 52, donc c'est ça. Voilà. Et alors, vos réponses à vous, lecteurs, auditeurs de Comic Stories, qu'est-ce que vous avez placé sur notre podium? Je vais vous donner le podium de vos réponses. Vous avez retenu les trailers du San Diego Comic-Con. En premier. La première chose qui ressort, c'est les trailers du San Diego Comic-Con. Juste derrière, c'est le film Ant-Man. En bien ou pas, on laissera on vous laissera seul juge. Et puis, en troisième position, c'est une réponse qui a été ajoutée. Parce que vous avez la possibilité toutes les semaines d'ajouter une réponse qui sera prévisible par les autres personnes qui votent. Et du coup, la personne qui a ajouté cette réponse fait des émules puisque sa réponse arrive sur le podium. Et c'est la nullité insondable et le foutage de gueule que la Fox et le grandement surestimé Josh Trank nous ont offert avec Fantastic Four. Voilà. Donc voilà pour le podium de votre été. On va passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est les news du côté du cinéma, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Enfin, les news. La news. La news. Pas grand-chose. Hein, puisque sur cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose de tomber. Mais enfin bon, c'est quand même un gros morceau, Arnaud. Oui. Alors, bien sûr, on savait que Star Wars, le Réveil de la Force, sortait le 18 décembre. Mm-hmm. En principe, ça devait être une sortie mondiale pour garder la surprise pour tout le monde. Ce qui est le film le plus attendu de l'année, mais on a appris que le film sortira en Europe principalement mais aussi dans quelques autres pays du monde, en avance par rapport aux États-Unis, comme c'est souvent le cas maintenant. Et donc on pourra découvrir ce nouvel opus de Star Wars 2 jours avant en France, puisque tant qu'à faire, autant sortir le mercredi, puisque c'est le jour de sortie en France. Et donc on pourra découvrir Star Wars à partir du 16 décembre. Et ben, je trouve ça un peu nul. Ah ouais? Bah ouais, on avait Ouais. l'événement d'une sortie mondiale, On avait une sortie mondiale. tous les pays découvrent en même temps, etc. Enfin, moi je trouvais ça, Ouais. c'est quelque chose qui se fait Ouais. plus, Ouais, je suis d'accord, c'est ça quelque fait chose très mauvais. qui se faisait avant pour, on se rappelle à l'époque des Harry Potter, des Seigneurs des Anneaux, où on avait Ouais. des sorties comme ça un peu mondiales et pour vraiment les films, les gros événements. Là, on a quelque chose. C'est quand même le retour de Star Wars au cinéma, la suite du retour du Jedi. On va retrouver Leia, on va retrouver Han Solo, enfin on va retrouver les personnages qu'on a Je suis découverts il y a d'accord. plusieurs dizaines d'années. Et on se prive de la sortie mondiale. Je trouve ça bête. Voilà. Je suis d'accord. C'est vrai que enfin, ils auraient pu vraiment faire un gros événement et non, Parce que ouais, là, c'est dommage. il sort en Europe, dans énormément de pays européens, le 15, le 16 ou le 17 décembre. Et j'ai vu sur IMDb, bon après IMDb, on sait jamais exactement, mais en général, sur les dates de sortie, ils ont rarement tort. Il sort aux Émirats Arabes Unis le 15 décembre, même avant l'Europe. Voilà. C'est pas juste l'Europe, parce que souvent, Oui. les films américains sortent avant en Europe, mais là, il n'y a pas Ouais. que l'Europe, il y a d'autres pays du monde également. Bon, après, tant mieux pour nous, voilà, on le verra avant, mais du coup, il n'y aura pas ce petit goût d'événement Ouais. mondial. Je pense même si, enfin même que ça sera un événement, Ça quoi. sera Tu un événement, non penses, mais on est oui. d'accord, on est d'accord. En plus, qu'on va faire le 18 décembre. C'est ça. Le Ah, le 16, 16. pardon. Le 16, oui. Le 16, je Du pense qu'on coup. va faire À notre. moins qu'il y ait même des avant-premières la veille, peut-être. Peut-être, oui, à Même le minuit. soir. Je Oui, il y regardais aura sûrement des Je pense avant-premières. que c'est possible. Le truc Des à minuit. Voir marathons, la des choses grosse comme ça. avant-première au Rex 3 jours avant. Voilà. Avec un marathon, ça serait top. Le marathon, je pense que oui. Oh oui. Allez, Oh oui. on va passer à la suite. La suite, c'est le comics de la semaine, qui n'est pas vraiment un comics de cette semaine, mais plutôt un comics emblématique de cet été. C'est Archie numéro 1 par Mark Waid et Fiona Staples. Je l'ai lu, j'ai lu le numéro 2. Arnaud, toi, tu ne l'as pas lu. Et Clément? Non, non plus. Juste pour vous dire que Archie, c'est quelque chose qui va être à surveiller. À mon avis, si Mark Waid reste, hein, parce qu'on sait que Fiona Staples ne restera pas au-delà du troisième numéro, Mark Waid, a priori, oui. Et c'est vraiment, c'est le renouveau pour Archie, tout simplement. Et on arrive, quand je l'ai lu, bon, je l'ai adoré, hein, évidemment, c'est un coup de cœur. Les dessins de Fiona Staples, c'est super beau, c'est génial. Mais j'avais l'impression de voir un pilote de série télé un peu teen, genre CW. Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression de débarquer dans une série comme ça. Un peu genre les trucs que nous on a pu voir, les The OC et compagnie. Et du coup, ça laisse augurer si la série Riverdale sur CW est de la même tonalité, avec autant d'humour, de finesse et des personnages qui finalement. Enfin, voilà, ces bateaux, ça reste un truc un peu teen, un peu drama, enfin soap, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, ça reste du soap qui a priori va s'étirer sur du long terme et va être effiloché, voilà. Mais c'est super cool. Donc du coup, les personnages sont super bien dépoussiérés, modernisés. On sait nous attiser notre curiosité, notamment avec le fameux lipstick incident, comme on l'appelle, qui a causé la rupture entre Archie et, alors je sais jamais si c'est Betty ou Veronica. Honte sur moi, je crois que c'est Betty. Et du coup, voilà, ça devient même le hashtag lipstick incident. On sait pas ce que c'est que ce lipstick incident qui a provoqué la rupture. Il y a une espèce de chape de plomb là-dessus, personne n'en parle, il n'y a que Archie et Betty et Jughead, un pote d'Archie, qui savent ce que c'est, personne n'en parle, nous on ne sait pas, on nous fait languir, quel est cet événement qui a pu causer la rupture du couple le plus en vue du lycée, enfin voilà, que personne ne voyait se séparer un jour. Et puis l'arrivée dans le numéro 2 de Veronica, enfin voilà, et toutes les bases de l'univers d'Archie qu'on connaît qui se mettent en place progressivement. Mais voilà, c'est super frais, c'est très drôle, bien écrit, on a l'impression de lire une série télé. Et donc, du coup, pas forcément, c'est à découvrir. Je ne sais pas si en France, on va profiter de ce renouveau avec quand même deux grands noms comme Mark Waid et Fiona Staples Je suis pas sûr parce que c'est pas très connu en France. Bah, ça serait l'occasion. Parce que c'est un monument de la culture populaire aux États-Unis. Ouais, mais regarde, il y a Mais je suis pas une sûr que série ce TV arrive. Oui, mais il faut attendre que la série arrive et qu'elle soit un Mark succès. Waid, Urban est en train de republier son run sur la JLA. C'est Daredevil en ce moment, quand même. Enfin, Oui, plus non, je suis maintenant d'accord, mais Arrow. je pense qu'il faut attendre que la série soit sortie et Moi, qu'elle ait du je. succès. Moi, franchement, je vois Urban tenter le coup. Parce que Fiona Staples, ils publient Saga, c'est un carton chez eux, ils peuvent surfer sur ce nom-là. Mark Waid, il n'y a pas de souci pour surfer sur le nom. Il y a une série télé, Riverdale, qui va arriver. Ça sera peut-être pas maintenant, ça sera peut-être que dans un an, au moment de la rentrée et de l'arrivée de la série sur CW, si c'est à la rentrée. Mais je mets un petit jeton sur Urban. Ils auraient tort de s'en priver en plus. Allez, on va terminer tout ce qui est des news avec l'actu comics en VO. Et Clément, il est de retour. Ouais, il est de retour, donc le 26 septembre. Mais qui? Et bah, un homme en noir. Ah, c'est pas ton cul, ça Je vais faire abstraction de cette provocation. C'était soft jusque-là. Ouais, Ouais, c'est et pour une fois, c'est moi qui mets le feu aux poudres, c'est dingue. Allez, vas-y, c'est Clément. ça. Le nouveau Clément cette année. Oui, donc le 26 septembre, ça ne sera nul autre que le Batman Day. Donc voilà, je sais Mais pas qu'est-ce que si le Batman mais Day? oui, qu'est-ce que c'est? Et puis On célèbre Batman. ouais, on va juste offrir en fait le numéro 1 de Ouais, Endgame, c'est voilà, dans une édition spéciale avec plein de couvertures variantes et voilà, et faire la ça. promo de Batman. Il y aura des animations, j'imagine, dans les comic shops, etc. Ouais. Voilà. Initiative lancée l'année dernière pour les 75 ans, qui a été poursuivie cette année. Bon, Mais je suis pas uniquement sûr. aux États-Unis. Je suis Oui, pas bah oui. sûr. Je suis pas sûr que Batman ait besoin de ça. Oh non. On aurait pu faire un Robin Day, c'est lui qui a 75 ans cette année. Ça t'aime bien. Ouais. Et pendant ce temps, du côté de chez Marvel, on annonce des nouvelles séries. Alors attention, accrochez-vous à vos slips Y en parce a que quand même dedans. il y a du dossier. Ouais. Alors, qui va acheter une série Betsy Walker, aka L4? Le nom de Moi! Jacques. Non, je plaisante. Ça Le sortira nom. en décembre. Si le nom avec AKA vous dit quelque chose, bah c'est peut-être pas pour rien. Si L4 vous dit quelque chose, c'est pas pour rien non plus, parce qu'elle va apparaître dans la série Netflix de Jessica Jones. En Donc on fait, a le. elle remplace Carol Danvers dans la série. Voilà. Donc du coup, bah forcément, elle va avoir droit à sa série comics en décembre, comme par hasard, quelques semaines après la série sur Netflix. Suis vraiment pas convaincu parce que vu Bah. l'actrice qui va la jouer, qui est assez catastrophique, je pense pas que ça va devenir le personnage préféré de beaucoup de gens. Ah non, puis L4, référence obscure, série très très lointaine. Je En fait. connaissais pas du tout le personnage. Enfin voilà, Moi non il plus. faut J'ai arrêter quoi. découvert ça avec l'annonce Puis le de nom, Netflix. déjà, L4. Patsy Walker, aka L4. La série C'est. s'appellerait que L4. Déjà, Ouais, encore, mais c'est. là, le Ouais. titre Enfin paralyse. bon. Donc voilà, une nouvelle série qui Ouais. débutera en décembre, et alors que j'essaie, voilà, c'est alors le en plus, ils ont mis des gros noms, hein. Scénariste Kate Lett et artiste Brittany Williams. Si vous les connaissez pas, moi non plus. Ils y croient. Me suis dit pourquoi tu dis que grand Voilà. nous Allez, rendez-vous en décembre pour ne pas enfin, le le louper. meilleur, c'est quand même la suite. Ensuite, on aura une nouvelle série. Alors, Howard the Duck marche bien chez Marvel. Ils vont le relancer en novembre au numéro 1, post-Secret Wars. Et on va nous balancer un nouveau personnage. Alors, on va Alors, profiter de ce numéro 1 pour nous balancer un nouveau personnage. mais C'est le personnage de Gwenpool. Mais alors Oh ça, c'est là le là. truc le plus improbable, mais... Donc, Gwen, hein, évidemment, Spider-Gwen, tout ça, Ouais. qui revient en force, voilà. Et ben, va être Deadpoolisé, et du coup, on va avoir un Ouais. nouveau personnage qui va être créé, qui s'appelle Oh mon donc Dieu. Gwenpool. Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Je sais pas jusqu'où ils vont creuser avec le personnage de Gwen, mais il va falloir arrêter. Ouais, non mais là, Gwen Gwenpool, enfin... the Duck. Gwen the Duck... Donc en Iron fait, elle va apparaître Gwen. dans des backups, dans les trois premiers numéros de la nouvelle série Howard the Duck. Donc ça sera elle qui sera sans doute au centre de. Bientôt il y aura Gwen Peace. Oh Oh. putain. Et suite à ces trois backups dans la série Howard the Duck, on aura droit en décembre un numéro Gwenpool Special, numéro 1, qui sera écrit par Gary Duggan, Charles Soule et D'accord. Christopher Hastings, qui sera celui qui scénarisera les backups. Voilà. Bon, on continue. Allez. Là, c'est un peu Allez, plus on va dur. prendre une bouffée d'oxygène Yui. de Scotty Young. Ouais. Revient. Scotty Young revient avec Rocket Raccoon. Et puis au passage, il attrape Groot et il va nous balancer une série Rocket Raccoon and Groot Ah, à vous cherchez loin pour le nom. partir du mois de décembre. Là encore, C'est bizarre, le ça. scénario sera de Scotty Young. On peut être confiant quand on a lu la série du coup, Ouais. Ouais, ouais, ouais. quand on a lu la série Rocket. Et les dessins seront de Felipe Andrade. Alors, franchement, si c'est le même acabit que ce qu'il a fait sur Rocket Raccoon, moi, je prends les yeux fermés, quoi. C'est génial. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est du cotillon, quoi. Exactement. Et puis dans la série, on annonce des choses venues de l'enfer. On va avoir droit à une série Red Wolf. Alors la série Red Wolf, elle commencera, elle, au mois de décembre, décidément. Nouvelle série régulière, donc chez Marvel, ça veut dire 5-6 numéros. Pas près, hein. Série régulière, c'est ça. Alors Red Wolf, en plus la couverture qu'ils ont balancée, je la trouve dégueulasse, donc j'ai vraiment du mal à parler de ça. Ça sera la première série régulière sur le personnage depuis qu'il existe en 1976. Bah tu m'étonnes. Oh putain! Ah, c'est dégueulasse là! Oh, Ouais. pardon Dieu! Ah non, Ah, il a eu c'est une série dégueulasse! régulière en 76, excusez-moi, et c'est la première depuis 1976, parce que lui il est né en 1970 dans Avengers numéro 80. Voilà. Ah, mais c'est dégueulasse la couverture! Ouais. Bon après, voilà. Hein, sur le papier, ça fait pas rêver, mais sur le papier, Midnighter et Prez chez DCU, ça faisait pas rêver non plus. C'est Donc. sûr! Ouais, mais au moins la couverture de Midnighter, j'ai un minimum envie de dire. Ouais, c'est vrai. Et puis les noms derrière, peut-être aussi. Bref. Et puis pour terminer, du côté des annonces Marvel, c'était un peu le mois du what the fuck chez eux, puisqu'on a appris que Mary Jane Watson, oui, Mary Oh Jane, mon celle de Dieu. Spidey, va arriver dans la série Invincible Iron Man, alors visiblement en tant qu'une employée de Stark. Normal. J'ai eu Voilà. peur à un moment qu'elle allait mettre l'armure ou je ne sais quoi. Oui, bah attends, attends, attends, on n'en est pas loin. Ça pourrait arriver, hein. T'as vu Mais tort, c'est quoi? donc parce que sur le dessin, elle tient un masque de fer dans la main, donc Oh, pitié. Non, a mais c'est quoi priori, elle commencerait comme employée, mais on ne sait pas trop pourquoi devenir. C'est quoi leur horloge en fait? Bah, je sais pas. Bah, ils se disent que si Spider-Gwen ça marche, pourquoi pas une Iron Mary Jane? Ouais, mais non, Oh, non. non, non, Mary Jane, non, c'est déjà le perso, il va même tuer. Bref, on va terminer les news VO avec toi, Arnaud, et DC qui va lancer une deuxième série parce qu'elle en avait pas assez d'une. Ouais, mais en même temps, vu le personnage qui arrive l'année prochaine au cinéma, Ouais. il fallait bien avoir quelques comics sur Harley Quinn. Donc, en plus de la série Harley Quinn de Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, qui seront d'ailleurs à la Comic Con Paris, on aura en plus de cela une série bimensuelle qui s'appellera Harley's Little Black Book. Donc toujours par la même équipe, Palmiotti et Conner, qui sera en fait un team-up entre Harley Quinn et un super-héros ou un ennemi de l'univers DC. Et le premier numéro, ce sera avec Wonder Woman, en décembre, donc. Ok. Sur l'idée, je suis ok, c'est cool. Harley Quinn, elle est à la mode, etc. Après, deux fois Harley Quinn dans le mois, Ouais. ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et en plus, voilà, comme tu le dis, c'est l'histoire un peu team-up, machin, tout ça. Enfin, je sais pas, pourquoi pas juste augmenter la pagination du numéro de base et faire un numéro plus Voilà. gros tous les Ouais, un mois? petit backup. Certes, un peu plus cher parce que peut-être numéro double, etc. à chaque fois, mais enfin, je sais pas, ça aurait pu être l'occasion de tenter quelque chose plutôt Ouais. que de faire une nouvelle série. Faut, je Et il y aura plusieurs artistes qui vont tourner sur la série. Et pour l'instant, on connaît certains. Il y a J. Scott Campbell, Jim Lee, Alex Ross, par exemple, aussi. Voilà, donc là, on vient Darwin juste de Cook. donner quatre légendes, hein. Voilà. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Donc c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ces noms-là qu'ils en font des numéros papier uniques pour les vendre, parce que sur les noms des artistes, bien sûr. Mais je sais pas, ça aurait pu être l'occasion de tenter, ouais, pourquoi pas des gros backups ou je sais pas. Bref. Ce n'est que mon avis. Et on va terminer ce mag nouvelle génération en revenant un an en arrière. Il y a un an, de quoi on parlait? Eh bien, il y a un an, Robert Downey Jr. disait être pour un film Black Widow, et il était même pour un film Hawkeye et un film Hulk. Toujours pas de Maintenant, Black Widow. alors le concept de Hulk a cette disparu. voilà, le concept de cette rubrique, c'est de revenir sur quelque chose dont on avait parlé il y a un an, et de voir maintenant, un an après, où c'en est. Eh bien, un an après, c'en est où? On a toute la phase 3, Ça. et il n'y en a aucun des 3 dedans. Sans compter que Hulk a été coupé Hulk est en porté montage. disparu, il a été coupé. Hulk est porté disparu, il a été coupé du Ouais, montage de non. Civil War. Hawkeye, bah, c'est la même vaste blague qu'avant. C'est de la Black triche, Widow, pareil. c'est la même vaste blague qu'avant aussi. Voilà. Donc, c'est du Aucun regard, en fait. changement. Voilà. Donc, Par contre, lui, il prend bien l'échec. c'est C'est ça. ça. Lui, par contre, il est toujours là, il prend plus de place. Mais, bah voilà. Est-ce que vous auriez aimé en voir un des trois en solo? Peut-être un film Hulk, parce que j'avais bien aimé l'incroyable Hulk, c'était fun. Un petit planète Hulk, c'était pour Moi, voilà, j'aime le bien reste. Black Widow, donc j'aurais bien voulu voir un Les film deux sur autres, Ça, c'est toi qui bon. l'aimes bien. J'ai pas le seul. Non, non, ouais, alors il y a, je trouve que Hulk, ça aurait eu. Que même si l'incroyable Hulk avait quand même pas mal de défauts, n'empêche que c'est fun, quoi. Enfin, ça gâte tout, c'est Bah, drôle. du coup, Mark Ruffalo ayant repris le rôle joué par quelqu'un Ouais. avant dans le MCU, j'aurais bien aimé qu'on lui donne sa chance et qu'on le voie tout Ouais, seul. moi aussi. Parce Ouais, que mais j'aime là, c'est une beaucoup question moi. de droit pour Hulk. Oui, Oui, bien sûr, ça, on le voilà. sait, non, mais voilà, Et voilà. j'aurais bien aimé le voir lui. Après, les deux autres ont clairement pas prouvé qu'ils méritaient un film. Ok, Non, non plus. perso, j'en ai rien à foutre de Moi Kai. non plus. Et Et Black l'acteur arrête pas Widow. de répéter qu'il a envie de qu'il aimerait bien apparaître dans Agents of Shield. Et bah À défaut écoute. d'avoir un film, hein. Voilà. Bah, qu'il aille à la télé, Ouais. qu'il aille jouer au Secret Warriors, là, et puis c'est bien. Mais ouais, non, mais c'est vrai que Puis Black Widow, si c'est pour voir 2 heures de Scarlett Johansson mono-expressive, non, merci quoi. c'est une très très bonne actrice, tu retires ça tout de suite. Oui, non mais oui, c'est une très très bonne actrice. Mais pas en Black Widow, c'est tout. Ah, mais après, on va faire avec ce qu'on lui donne. Non, mais sinon, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas un film solo pour voir ce que donne Ruffalo, quoi. Parce que c'est vrai que moi, il m'a fait complètement oublier Edward Norton, que j'avais Qui était pas relativement dur. connu. Oui, C'est non, clair. j'avais ça passé, quoi. Et donc, j'aime. Ouais, non, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Et là, voilà, on en parlait il y a un an, et puis un an après, c'est passé aux oubliettes. On verra la semaine prochaine si ce dont on parlait il y a un an et une semaine, du coup, est aussi passé aux oubliettes ou pas. Voilà qui conclut cette nouvelle version du mag, avec toutes les nouvelles rubriques, évidemment. Donnez-nous votre avis sur ce mag un peu relooké, sur les nouvelles rubriques, si vous avez des avis aussi sur les news hein, qu'on a détaillés, peut-être des avis contraires aux nôtres, n'hésitez pas en commentaire, sur Twitter, sur Facebook, comme d'habitude. On se retrouve jeudi pour le 21e numéro de Sur nos écrans, et on va faire notre rentrée avec Fear the Walking Dead, dont on vous débriefera les deux premiers épisodes ce week-end. Dans la Padawan édition, elle aussi numéro 21, nous fêterons les 75 ans de celui qui porte une bague verte chez DC. Et puis on se retrouve évidemment maintenant sur notre page YouTube où vous allez pouvoir progressivement retrouver tous les rounds et la finale des Infinite Wars, mais également la sélection VF tous les lundis. La sélection VO arrivera un petit peu plus tard et ce sera le mercredi. Bonne lecture, bonne série, bon film comme d'habitude. Et puis à la semaine prochaine pour le numéro 22 du mag. Salut. Salut.